L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. If we can call them friends, then we can call them on their telephones. And they won't pretend that they're too busy or they're not alone. And if we can call them friends, then we can call. Holler at them down these hallowed halls. Just don't let the human factor fail to be a factor. Don't you worry about the atmosphere or any sudden pressure change. Cause I know that it's starting to get warm in here and things are starting to get strange. And did you see how all our friends were there and they're drinking roses from the can? To the plan. And we were tired of being mine. We were so tired. I know we're gonna meet someday in the crumbled financial institutions of this land. There will be tables and chairs, there'll be pony rides and dancing bears, there'll even be a band. Cause listen, after the fall, there'll be no more countries, no currencies at all. We're gonna live on our wits, we're gonna throw away survival kits, straight butterfly knives, right or wrong. There will, and there will be snacks, there will be, there will be snacks. Thank you. out the atmosphere. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pocahontas internationale. Je suis Melissa Suarez El Real et je vous remercie comme d'habitude de nous accompagner dans cette nouvelle émission diffusée directement depuis Jucapo, la capitale de notre île. On a commencé avec Monsieur Andrew Bird, sa chanson Tables and Chairs ou Chaises et Tables, une chanson dédiée à ce qui lui a manqué le plus pendant la résidence artistique qu'il a fait à Pocahontas ça fait pas longtemps. En fait, c'est à cause de cette surprise que l'on va chez plusieurs visiteurs qu'on a décidé de consacrer notre émission à l'art de table à Pocahontas. L'art du folia sopar, le pliage de feuilles de folia sopar justement, est considéré comme un art et les jeunes Pocahontiens, notamment les hommes, l'apprennent depuis son enfance. Ceci démontre leur raffinement et leur délicatesse aux femmes. Et en fait, il est si important parce qu'à Pocahontas, les vaisselles n'existent pas. On mange sur ses feuilles normalement, anciennement considérées comme une mauvaise herbe, et que les anciens Pocahontiens ont su contrôler en l'utilisant comme des récipients. Et c'est justement cette façon de ranger et d'utiliser ces feuilles imperméables avec des qualités très intéressantes qui a donné lieu à la naissance de l'art du folia sopar. En fait, plusieurs étudiants de design industriel viennent chaque année pour essayer de développer des vaisselles végétales inspirées de notre art de folia sopar. Aussi à Pocahontas, il faut dire, on mange normalement sur le sol, sur une nappe et parfois aussi sur une nappe végétale telles que les feuilles de banane. C'est pour ça que M. Andrew Bird a été tellement surpris, et aussi que d'autres musiciens qui sont venus nous visiter. On va continuer avec un morceau aussi inspiré du service de table Pocahontas. C'est interprété par la chanteuse chilienne Silvia Iriondo, mais il s'agit pourtant d'une chanson originale de M. Victor Jara. Ce s'appelle La Cocinerita, un morceau interprété avec des casseroles et des outils de cuisine. Cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Por estar pila vi de fiesta a Doña Pispila. Dónde convida con queso de cabra? Dónde convida con queso de cabra? Hojita y coca, ají molido, ramito de albahaca. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? On est de retour à la radio Pocahontas internationale. Je suis Melissa Suarez El Real et ce qu'on vient d'entendre s'appelle La Cocinerita de Silvia Iriondo. On continue avec notre émission dédiée aux arts de table pocahontiennes. Pour les gens qui nous entendent ailleurs, les habitudes de notre île peuvent être un peu choquantes. Disons que dans un repas formel, on va normalement manger en plein air. Les maisons sont normalement de taille réduite parce que notre île est tellement petite. Et les jardins sont considérés les salles de séjour pour la plupart des Pocahontiens. Mais aussi, il y a de nombreux jardins et parcs publics. Donc la plupart de l'année, sauf pendant la saison de mousson, on mange al fresco. Et pendant la saison de moisson, le repas formel, soit familier ou d'affaires, tout simplement s'arrête. Pendant le repas, on mange avec les doigts et on considère en fait très peu raffiné l'utilisation de couverts. Parce que, selon l'époque où je tiens, le toucher est très important et il fait aussi partie du goût. On le voit comme un seul sens. Et donc l'utilisation d'outils diminue la qualité des repas. On va entendre donc Twin Forks ou fourchette jumelle, un groupe dont le nom est dédié à le seul outil bien accepté dans les tables pocajotiennes, fourchette jumelle, qui servent à faire un espèce de toast, mais avec la nourriture où l'on mange justement au même moment que notre proche. Voici Back to You. I was young, so I forgot which was my place and which was not. Thought I had a good shot, I took it right in my eye. Look ahead, look behind, take another. Retour à la radio Pocajou internationale, je suis Mélissa Suarez El Real et on parle aujourd'hui des arts de table pocajoutien. On explorait tout à l'heure les habitudes des pocajoutiens à la table. L'hygiène, à la table bien sûr, est l'un des aspects qui trouble le plus aux visiteurs. En fait, il s'agit d'une habitude très ancienne, avant aussi répandue en Europe, mais que à Pocajou n'a pas changé depuis longtemps. Disons que vous êtes à Pocajou et du coup vous vous asseyez et vous voyez qu'il n'y a pas de serviettes. Bon, c'est pas bizarre. À Pocajou, les serviettes sont très rares. Et la façon traditionnelle de se nettoyer les mains se fait encore avec des petits souris entraînés. En fait, il s'agit de la souris poil de coton, une espèce de souris qui a été élevée pendant des années et qui a la particularité d'avoir un pelage très très doux. Ces souris apprennent à se promener partout dans la table ou la nappe en nettoyant les doigts des commensales. Tout cela arrive pendant les trois plats de chaque repas. Le casse-faim, un premier plat normalement fort avec du pain, riz et de la viande ou fromage. Après ça, il y a les gozaderas, des petits mets plus raffinés avec des ingrédients légers et normalement la partie la plus créative du repas. Et finalement, le moment gourmand où l'on boit du café, thé, jus de fruits ou liqueur et on l'accompagne avec des sucreries ou des bonbons piquants. On va vous laisser avec La Gustadera, une chanson dédiée au deuxième plat d'un repas pocajoutien, la partie préférée de Ángel Vázquez, qui a voulu lui consacrer une chanson. Je suis Melissa Suárez del Real. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle émission de la Radio Pocajou Internationale. À la prochaine. Diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!